Nimbus et Mirette, laissant Philémon seul et désemparé, sortent de la maison et prennent le chemin de la forêt. Les deux souris arrivent en vue d'un immense bois. Marchant d'un bon pas, elles y pénètrent. Au début, les clairières sont nombreuses et remplies de chants d'oiseaux. Mais plus les souris avancent et plus la forêt devient sombre et sinistre. Les arbres prennent des formes étranges. Dis donc, Nimbus, cette forêt me paraît inquiétante. Je suis pas très rassurée. Mais non, Mirette, ne t'en fais pas. Arrêtons-nous si tu le veux quelques instants pour nous reposer. Oh oui, tu as raison, ça nous fera du bien. Et puis, admire ces grands arbres et ce calme qui règne. Le silence. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, Mirette. Oh là là, j'ai peur, Nimbus, ne restons pas là. Partons vite. Les deux souris se tenant par la main s'enfuient en courant. Essoufflées, au bout d'un moment, elles s'arrêtent. Eh ben, quelle course! Mais où sommes-nous? Je n'en connais plus le chemin. Je crois que nous sommes perdus, Mirette. Oh non, qu'allons-nous devenir? Mes craintes. Nous allons bien croiser quelqu'un qui saura nous renseigner. Le hurlement du loup s'étant rapproché, nos deux amis apeurés se blottissent l'une contre l'autre. Quand soudain, surgissant d'un épais buisson, un énorme loup apparaît. Apercevant les deux souris, il s'approche, menaçant, la bave aux lèvres. Tiens, le souris. Hein? Que faites-vous donc par ici, mes jolis? Bonjour, monsieur le loup. Nous avons perdu notre chemin. Pourriez-vous nous aider à le retrouver? Des souris égarés. Quel sens, moi qui n'ai rien mangé ce matin. Et où allez-vous donc? Nous nous rendons chez Nécrochu, la sorcière. Diable, sorcière, si ces deux souris sont dans la verre avec Nécrochu, je ne veux pas m'en mêler, moi. Eh bien, ne comptez pas sur moi pour vous y emmener. D'ailleurs, je suis à la recherche de mon déjeuner. On dit que des petits cochons se promènent souvent par ici. Allez, au revoir, mes mignonnes. Et le loup disparaît entre les arbres. Ouf, le voilà parti. J'ai bien cru qu'il allait nous croquer. Bon, ne restons pas là, il pourrait revenir. Oh oui, mais dans quelle direction devons-nous aller? Les souris, un peu perdues, hésitent sur le chemin à prendre. Au hasard, elles suivent un sentier. Lorsqu'elles aperçoivent au loin un couple de petits cochons chantonnant. C'est nous les petits cochons, le teint rose, l'œil polisson, la queue en tire-bouchon, l'œil joyeux, jamais ronchon. Et pour chasser ces idées noires, quand tout est gris, quand tout est noir, la chanson est un bon moyen pour rester plein d'embrun. Dans les bois, par les sentiers, nous aimons nous promener, ne craignant pas le danger, ceux du loup pour se méfier. C'est nous les petits cochons, le teint rose, l'œil polisson, la queue en tire-bouchon, l'œil joyeux. La chanson est un bon moyen pour rester plein d'entrain. En cherchant dans les forêts, nous remplissons un panier de fruits, de champignons, de châtaignes, de marrons. C'est nous les petits cochons, le teint rose, l'œil polisson, la queue en tire-bouchon, l'œil joyeux, jamais ronchon. Et pour chasser ces idées noires, quand tout est gris, quand tout est noir, la chanson est un bon moyen. Quand tout est gris, quand tout est noir, la chanson est... Nous venons de rencontrer le loup. Il vous cherchait pour vous manger. Le loup, vite, il faut s'en aller. Avant qu'il ne nous ait trouvés. Merci de nous avoir renseigné. À notre tour, pouvons-nous vous aider? Nous cherchons le chemin qui mène chez Décrochu, la sorcière. Hélas, nous ne pouvons vous l'indiquer. Nous ne connaissons pas tous les sentiers. Mais au sommet du grand chêne, vous trouverez... Sirius le vieux hibou, le sage qui connaît tout. Merci de ce précieux renseignement, les amis. À présent, nous devons nous quitter. Au revoir et bonne journée. Au revoir, les amis. Au revoir, au revoir. S'en allant bras dessus, bras dessous, les deux cochons disparaissent entre les arbres. Les souris, suivant leur conseil, errent au hasard dans la forêt, cherchant un grand chêne. Après de multiples efforts, elles débouchent enfin dans une grande clairière au milieu de laquelle se trouve un arbre immense. Ah, voilà le grand chêne. Oh oui, monsieur Sirius. Monsieur Sirius, êtes-vous là? Dans l'arbre, une porte s'ouvre et un hibou apparaît. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qui m'appelle? Ah, c'est vous en bas. Que voulez-vous? Monsieur Sirius, nous sommes deux petites souris perdues dans cette grande forêt. Nous sommes à la recherche de la sorcière Décrochu. Décrochu? Oh là là! Mais vous êtes donc folle! C'est courir un grand danger que d'aller chez cette sorcière. Mais dites-moi, pourquoi désirez-vous tant la rencontrer? Elle a jeté un terrible sort à l'un de nos amis, un oiseau. Et maintenant, il ne peut plus voler. Oh, quelle méchante sorcière! Mais comment s'appelle votre ami? Il se nomme Philémon. Quoi, Philémon? Mais je le connais très bien. Oh, ça, mes amis, je vais vous aider. Attendez-moi quelques instants. Je descends. Sirius, le hibou, ferme la porte de sa maison, descend de l'arbre et rejoint les deux souris. Merci, monsieur Sirius. C'est gentil à vous de nous venir en aide. Allez, allez, suivez-moi, ne perdons pas de temps. Fin du second épisode. Eh bien, quelle aventure! Nimbus et Mirette perdus en pleine forêt. Heureusement, Sirius le hibou va aider les deux souris. Mais attention, attention à Décrochu la sorcière. Alors, quel est ton choix? Veux-tu écouter la suite sans plus attendre ou bien y revenir un peu plus tard?